Dossier 6. Phonigraphie. Leçon 1. Les sons S et Z. Activité 1A. 1. Journaliste. 2. Cousin. 3. Tristesse. 4. Conversation. 5. Piscine. 6. Cuisine. 7. Souffle.